Fiche de 500 fin de semaine. D'abord, les Marquis ont gagné 7-1 contre Sorel. Ça a été un match quand même à sens unique. Un match à sens unique, je dois dire. C'est une domination totale du côté des Marquis. C'est le retour également de François Fortier qui joue sur le troisième trio, qui a bien fait marquer un but. Ça a été surtout le spectacle de Benoît Graton qui a bien fait, était vraiment en feu sur la glace, qui complétait un trio avec Hugo Carpentier et PJ Corsi. 2 buts, 3 passes, ça a vraiment bien été. Mais avec la carte, ça a été de solide devant le filet. Pour une victoire de 7 à 1, très facile. Alors, c'est une équipe qui cherche un peu les éperviers de son rétrécis. Ils ont subi 4 défaites d'affilée. Il va falloir trouver une solution de ce côté-là. Il manque quelques bons éléments. Et du côté de défensif, c'est bloqué probablement. OK. Du côté des Marquis, du côté de Sorel, est-ce que les assistances sont quand même bonnes? Quand j'ai dit ça, j'ai mal entendu. Est-ce que les assistances sont bonnes à Sorel pour les Marquis pour l'équipe de Sorel-Tracy? Est-ce que c'est quand même bon? Oui, si on veut. OK. Ouais. Si on parlait maintenant de l'autre match, c'était une victoire, plutôt une défaite à Cornwall de 5-3 des Marquis contre les River Kings qui sont un peu la risée. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'équipe a quand même pris l'équipe de Cornwall à la légère? Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. L'équipe était prise un peu trop à légère. Les Marquis qui ont pris les vents rapidement, 3-0 en première période. Par la suite, Cornwall qui n'a jamais abandonné. Peut-être que les Marquis ont levé un peu la pédale, mais Cornwall n'a jamais abandonné. Ils sont revenus dans le match. Ils ont marqué 2 fois en deuxième, 3 fois en troisième pour finalement l'emporter 5-3. Je pense que c'est une bonne leçon que les joueurs des Marquis devront tirer à la suite de ce match-là. C'est que toutes les équipes devront être prises au sérieux, même les équipes qui avaient seulement 2 victoires en 17 matchs. On voit que dans la ligne nord-américaine, tout le monde est capable de battre tout le monde. Ça a été le cas. OK. Jérémy Vigneault-Bélanger, il était son premier match. Évidemment, c'est un gars de la région. A été acquis en retour de Francis Charette. Comment il s'est débrouillé? Très bien débrouillé. Ouais. Très à l'aise sur la patinoire. Marqué 2 buts contre Sorel. C'était un peu plus difficile le samedi, mais ça a été difficile un peu pour tout le monde le samedi à Cornwall. Mais c'est un joueur qui rentre bien dans le système de Claude Bouchard. Va très bien performer avec les Marquis. OK. Aussi, du côté des Marquis, on a appris que Francis Véropol, qui était courtier par l'équipe, ne viendra pas finalement. Non, exactement. Il a signé du côté du Danemark. Lui, il visait l'Europe depuis le début de la saison. Il obtient sa chance. Je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Si jamais il veut revenir avec les Marquis, je pense que la porte va être grande. OK. Ben, Dominique Bolduc, de CKG, on se parle cette semaine, là, quelque part, sur les ondes de CKG. Voilà, merci. Donc, le descripteur des matchs des Marquis, Dominique Bolduc.